Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation d'un artiste qui est Maurizio Catalan. Maurizio Catalan est un Italien né le 21 septembre 1960 à Padoue. C'est un artiste contemporain, provocateur, sculpteur, graveur et photographe. Il commence sa carrière seul à la fin des années 1980. Il a la particularité d'être connu pour ses œuvres provocatrices comme Love. C'est une sculpture représentant un doigt d'honneur qui se trouve à Milan, en plein milieu de la Piazza Affari, en face de la Banque de Milan. Elle pèse 6 tonnes et mesure 11 mètres. Il l'a sûrement installée en face de la banque pour montrer son refus du monde de la finance. Il propose un regard autre sur notre société. Dans plusieurs projets, il a recours à la sculpture en cire très réaliste, à l'intention de ses projets évoquant Hitler, par exemple. Him est sûrement la sculpture la plus connue, la plus choquante et la plus provocatrice de Catalan. Elle voit le jour en 2001. C'est une ronde bosse faite en cire et en résine polyester représentant Hitler dans un costume d'écolier, à genoux, les mains croisées, comme s'il nous demandait pardon. Son regard est pointé vers le ciel, mais son expression du visage nous laisse croire qu'il regrette ce qu'il a pu faire dans le passé. La statue a été exposée dans plusieurs endroits, comme au musée Boudewijn van Beuningen à Rotterdam en 2002, dans la Haus der Kunst à Munich en 2003 et dans l'ancien ghetto de Varsovie en 2012. La statue fut sujette à de nombreuses controverses. Des gens pensaient que Catalan avait fait ça pour provoquer les Juifs, mais les organisateurs nous ont fait comprendre que l'œuvre avait pour but de nous faire réfléchir au mal qu'Hitler a pu faire dans le passé et à ne pas en faire un sujet tabou. Un organisateur a dit, je cite, « Il n'y avait aucune intention de la part de l'artiste ou du centre d'insulter la mémoire des Juifs. C'est une œuvre qui essaie d'évoquer le mal qui insinue partout. » Catalan nous a aussi dit que son art était moins provoquant que la réalité du monde. Puis il a décidé de la vendre aux enchères, mais il a eu du mal, il voulait la détruire, mais a renoncé plusieurs fois et l'a donc vendue le 8 mai 2016, pour plus de 17 millions de dollars, soit 15 millions d'euros. Voilà, c'était une présentation de Maurizio Catalan. J'espère que vous auriez appris quelque chose et que vous vous coucherez moins bête ce soir. Au revoir.